بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم رف منار الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين. Le fait d'honorer la religion par ses vraies valeurs et d'annihiler des idéologies de ceux qui appellent à l'indulgence ou tolérance avec les mécréants. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. Première leçon. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إن دين عند الله الإسلام. أن le sens où certes la religion pour Allah c'est l'islam. Celui qui recherche autre religion que l'islam sera certes dans l'au-delà parmi du nombre des perdants. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ô vous qui avez cru, entrez en pleine soumission dans l'islam dans sa totalité et ne suivez pas les traces de Shaitan, car les sept pour vous un ennemi déclaré. Nous sommes au Qaddima, lié à ce livre dont on va inshallah faire une étude résumée et sommaire, qui est Rafu Manar al-Din wa Hadm Afkar Du'at al-Tasamuh ma'al Kafirin. Raf Manar al-Din wa Hadm Afkar Du'at al-Tasamuh ma'al Kafirin. Que l'on traduit dans le sens comme l'élévation ou la valorisation des emblèmes de la religion, des symboles des emblèmes de la religion, et l'annihilation ou la destruction, démolition des idéologies de ceux qui appellent à l'indulgence ou tolérance avec les mécréants. Yani hawla hada al-ma'na. Amen. Le fait d'honorer la religion par ses vraies valeurs et d'annihiler ce à quoi appellent les égarés, prédicateurs, comme indulgence et tolérance avec les koufars, dans les échanges, la cohabitation, ce genre de choses. Quand même, Aslan Shir, ce livre, était un livre qui est sorti sous les Awqaf de la Dawla des Émirats, un livre dont on ne connaît pas l'auteur, qui appelait justement à cette chose-là qui est comment vivre avec les mécréants, et bien sûr la façon dont il y appelait était erronée, fausse, d'accord. Il mettait les versets hors contexte, les hadiths hors contexte, en ajoutant, en enlevant, ce qui a mené à un tamir, c'est-à-dire un laxisme et un ramollissement dans la religion, dans le fait de comment vivre réellement la cohabitation avec les mécréants, comment se comporter avec eux. Donc Shir, il avait fait un audio directement à la sortie de ce livre, qui par la suite a été édité. Tu vois, c'est Mujallad, là, actuellement, entre nos mains. Tamam. Et nous allons, Inch'Allah, prendre des paragraphes clés, essentiels, faire des commentaires, car malheureusement, ces afkar, bien que présents dans ce livre, sont également présents dans la tête de beaucoup de gens. Et tout particulièrement ceux qui vivent chez eux, chez les koufars. Car à force de vivre chez un peuple, tu finis par leur ressembler. Tu finis par vouloir faire des concessions pour pouvoir t'adapter à leur mode de vie à eux. Ça veut dire comme l'eau qui s'infiltre partout. Tu veux t'infiltrer. Voilà. Là où c'est pas pour toi, tu veux rentrer dedans quand même. Mais c'est pas pour toi. Et le muslim veut essayer de, on va dire, rentrer dans le système occidental, l'adapter à ce qui ne convient pas. L'islam, bien sûr, s'adapte à tout temps et toute époque. Mais est-ce qu'elle s'adapte à toute idée et à toute méthodologie et à toute idéologie? Non. Taïeb, le din d'Allah, il est parfait. De l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Antakoum al-Sa'a. L'islam, taïeb, va perdurer et est parfait. Il s'adapte à chaque époque. Cependant, s'adapter à chaque époque ne veut pas dire s'adapter aux gens, comment ils vivent, en toutes circonstances. Il y a des limites à ne pas enfreindre. Amen. C'est ça le mot qui veut dire par là, souvent, que l'islam est une religion de tolérance, d'indulgence, ce genre de choses. Voyez, on tolère des choses, mais beaucoup on ne tolère pas. Donc il ne faut pas mentir aux gens, non plus. Il ne faut pas faire croire aux koufars qu'en islam, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Sûrement pas. Ou que, comme les chrétiens disent, Dieu est amour. Sûrement pas. L'amour, mil sifati, naam. Allah yuhib. Amen. Mais, est-ce que ce n'est parmi ces noms? La ma'nana dalil yathbut anna al mahabba min asma'illah. Hada wa al akrab in yukal. On n'a pas de preuve qui dise que le mahabba min asma'illah. Ma yathbut zalika. Amen. Ma'nana. Donc, cette tolérance, elle est fixée sur les règles de la religion. Qu'est-ce qu'on tolère? Qu'est-ce qu'on ne tolère pas? Envers quoi on est indulgent? Quand est-ce qu'on l'est? Quand est-ce qu'on ne l'est pas? Et ce n'est pas dans l'absolu, comme des gens veulent le faire comprendre. Que le musulman, il accepte tout, il sait sur tout, il se mélange à tout le monde, il vit partout. Kalla wa abadan. Amen. Donc ce livre amène à peu près autour de ce sujet. Naam. Wa jaa fi ahadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fi al-ma'na ma min ahadin sami'a anni يعني من من هذه الأمة من يهود ونصرانيين ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. Il n'y a aucune personne de cette communauté, c'est-à-dire communauté de الدعوة, ceux à qui on appelle. Car الأمة كما تعلم la قسمين. La أمة en deux catégories. أمة الدعوة و أمة الاستجابة. أمة الدعوة c'est les gens de façon générale qu'on appelle, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus. Des gens, d'après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à Antakoum al-Sa'a. Wa ummat al-istijaba, c'est les muslimoun, ceux qui ont répondu à l'appel. Amen. Donc là, ce hadith concerne les gens, ummat al-da'wa, tous ceux qui sont venus après Mohammed. Comme tu sais, chaque prophète est venu pour appeler son peuple en particulier. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ursila il-nas kaffa. Il a été envoyé aux hommes de façon générale. Tous les hommes, et les djinns, kazalik. Donc tous ceux-là sont ummat. Ummat al-da'wa. Ummat al-da'wa. Donc dans ce hadith, toute personne qui est ummat al-da'wa, qui a entendu parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'a pas répondu à son appel, qu'il soit juif ou chrétien, soit parmi les gens du feu. Éternellement. Taïeb, éternellement. Donc ne pas faire croire, taïeb, au rapprochement des religions monothéistes, comme ils disent. Un discours, un dialogue ouvert, un débat ouvert entre les chrétiens, les juifs, et les musulmans. Là, si jamais tu fais un dialogue avec un chrétien, c'est pour lui dire que c'est un chrétien, que c'est un kafir qui doit donner à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et tu lui dis que c'est un chrétien, que c'est un kafir. Voilà, quand des kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Certes, on m'écrit ceux qui ont dit que Allah est le troisième des trois. Wa inna alladhina kafaru min al-kitab al-mushrikin inna li jahannam khalidina fiha. Certes, ceux qui ont m'écrit parmi les gens du livre, parmi les associateurs et les gens du livre, sont parmi les gens du feu éternellement. Donc tu viens pas le faire croire qu'il n'est pas, qu'il est ton frère, ou qu'il y a du bien en lui. Oulaikahum sharul bariyya. Ceux-là sont les pires de la création. Wa fi al-hadith, an Aisha, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'allait, ha oulai zemata la rajul salih minhum, banu alayhi adil masajid, wa fa'alu adil tika suwar, wa oulaika sharul khark indallah. En parlant des gens du livre, que ceux-là, lorsque l'un d'entre eux meurt, d'accord, parmi les gens pieux de chez eux, ils baptisent une église sur lui et ils le reproduisent, ils font son image, et ceux-là auprès d'Allah sont les pires de la création. Et le hadith Muttafaqun alayhi, lakin ana, je l'ai rapporté par le ma'ana. Donc le chrétien ou le juif, que tu puisses lui dire cela en face. Tu veux parler avec lui, Tayyid, dis-lui cela. يا الكتاب تعالوا لكلمات سواء بيننا وبينكم لنعبد إلى الله و vous les gens du livre venez une parole égale entre nous que nous n'aurions que Allah seul. Cela amène à quoi? Tu n'invoques pas Isa, ce que tu appelles Jésus, tu n'invoques pas, tu ne dis pas que c'est le fils d'Allah, tu ne le dis pas. Maryam, Kedalik, ce qu'il adore, qui dit c'est la mère de Dieu, A'udhubillah, tu ne dis pas cela, cela de la mécréance. C'est ça qu'il faut lui dire. Tu dis que c'est un kafir, un mécréant. Là, tu auras fait le dialogue, tu auras fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi avec eux. Ama débattre pour entendre ce qu'il a à dire, toi dire ce que tu as à dire et trouver un terrain d'entente, ça, il n'y a pas ça. Ça, il n'y a pas ça. Terrain d'entente, en terre d'islam, c'est la jizya. C'est tout. Tu as une terre d'islam, il vit chez toi, il paie la jizya. Et là, il est protégé. En dehors de ça, il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de discours avec eux. Et quand on dit pas de discours, c'est pas que tu lui parles pas. Mais tu ne fais pas genre un dialogue ouvert et indulgent et tolérant, genre il peut dire ce qu'il a à dire. Il n'a pas. Toi, ta mour bi ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Si tu dis du kouf, tu le reprends. Tu dis ahda kouf. Ça, ce que tu dis, c'est de la mécréance. Ça, ce que tu dis, c'est maïajouz. Et que les koufars, comme on l'a dit, sont sous les charges de la religion. Que yom al-qiyama, ils seront, comme on l'a dit, châtiés pour les péchés qu'ils ont commis et pour les transgressions qu'ils auront commises. On ne dit pas comme c'est un chrétien, il mange du porc, c'est pas grave pour lui. Si, il n'a pas le droit de manger du porc. C'est un chrétien, il fait zina, c'est pas grave pour lui. Si, il sera puni pour cela. C'est un chrétien, il fait pas salat, c'est pas grave. Si, il sera puni pour cela. Toi, tu ne peux lui imposer la salat, mais au Yom al-Qiyama, il sera questionné pour la salat, il n'aura pas fait. Donc que les gens ne fassent pas croire aux gens, le mécréant comme il est mécréant, on ne peut lui imposer les charges de la religion. Toi, tu ne peux pas le faire, certes. Mais à la base, il faut que tu lui dises que tu fais là, en islam, c'est haram, et ça l'est pour toi aussi. Et que Allah n'aime pas ce que tu fais. Et que tu seras châtié pour cela si tu meurs là-dessus. Parle du kafir. Am al-muslim, tant al mashiyah. Ma'alouf, tant qu'il ne fait pas du kouf, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut, il le châtie, s'il veut, il le pardonne. Mais le kafir, lui, il n'est pas. Il n'y a pas ça. Lui, c'est azab, baisse. Azab, fakat. Il sera châtié pour ce qu'il a fait. En même, il sera châtié pour ce qu'il a fait. Donc, ne pas leurrer les gens. Ni le musulman et ni le kafir. Le kafir, tu peux les croquer. Il faut que tu dises la vérité. D'accord ? Taïe. Donc, le chien évoque plusieurs points dans ce livre liés à ce sujet, qui est ces échanges justement avec les mécréants. Et les échanges différés à avoir, quel est l'entretien à avoir avec eux, les limites à ne pas dépasser. Et comment comprendre certains versets qui peuvent laisser entendre en apparence qu'on peut vivre ensemble et apprendre à se connaître, ce genre de choses. Amen. Nous, on comprend le kitab par quoi? Par la sunna. Et kitab ou la sunna, on le comprend par quoi? Par la compréhension des sahaba. Radiallahu anhum, ajma'in, et des trois premières générations, c'est-à-dire les Sahaba, les Tabi'in, ou Adba al-Tabi'in, ceux qui les ont suivis d'après. Comme encore le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Afdal al-Nas, Korni, Summa al-Ladina yalunahum, Summa al-Ladina yalunahum. Le meilleur des siècles, mon siècle, c'est-à-dire les Sahaba, puis ceux d'après, puis ceux d'après. Donc eux, ce sont les gens qui ont le mieux compris la religion, dont là qu'on comprend comme ils l'ont comprise, et on l'applique comme ils l'ont appliquée. Donc, par rapport à ce livre, le Shir débuta en disant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun wa kana rabbuka basira. Certes, nous avons fait certains d'entre vous des épreuves pour d'autres et que ton Seigneur est clairvoyant, c'est-à-dire il voit tout. Il voit tout. Dans le sens. Donc ce verset est venu comment? Pour démontrer que certaines personnes viendront pour nous éprouver. De cette communauté de l'islam ou des koufars. On s'est prouvé par nous-mêmes, par nos propres frères, par les munafiqin et par les koufars. Wa qala ta'ala wa law yasha'u Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Voyez que si Allah avait voulu, il en aurait secouru cependant pour vous éprouver les uns par les autres. Amen. Donc c'est une chose qu'Allah a voulu. Une chose que Allah il a voulu. Donc le fait de parler sur l'islam de façon erronée et faussement, cela rend dans le bari à la din, yani l'injustice et l'oppression vers la religion. وَهَذَا مَا يَجُوزُ. De venir, de proférer sur Allah ce qu'il ne veut pas, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'attend pas de nous. Et qui plus est, pour plaire aux gens. Et quels gens? Les ennemis de la religion. Ce qui est encore plus grave. Par contre, celui qui, lui, défend la religion, défend le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, hein, la religion de vérité, qui secourt Allah, et quand on dit secourir Allah, qu'est-ce que cela veut dire? Secourir sa religion. Dans le hadith d'Ibn Abbas, Yahfazillah, Yahfazka. Yahfazillah, Tajidou, Tujahak. C'est-à-dire, protège Allah, c'est-à-dire protège ses limites de sa religion, Allah te protégera. Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas besoin de nous, de sa création. Mais quand on dit ça, c'est pour dire, comme on vient d'expliquer, protéger sa religion. Et donc celui qui remplit cette fonction qui est de protéger la religion, Allah le secourra, كذلك. Celui qui secourt le Coran et la Sunnah, Allah le secourra, كذلك, dans son combat, dans sa vie d'ici-bas, tout en sachant qu'il sera éprouvé. Quand on dit qu'Allah te secourt, ça ne veut pas dire que tu vas être épargné de tout mal. Non, bien au contraire, tu seras parmi les plus éprouvés. Cependant, tu auras la force de supporter cela. Et tu n'auras pas peur de tes ennemis, tu feras face. Et qu'à la finale, la bonne attribution de la victoire sera pour toi. Et même si tu ne le vois pas ici en ce monde, tu le verras après l'au-delà, après ta mort. Tu le verras les fruits de cela, de ta da'wa, après ta mort. Comme quand Allah Ta'ala, يَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَكَوِيٌّ عَزِيزٌ. Que certes Allah secourra ceux qui le secourent, que Allah est fort et puissant. Donc secourir Allah amène à ce que Allah te secourt. Naam. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ô vous qui avez cru, si jamais vous secourez Allah, il vous secourra et il raffermera vos pas. Cela est une cause qui te rendra plus ferme en religion. Vous voyez? Donc tu sais, on a pris également dans un hadith, يعني معلقا في صحيح البخاري عن ابن عباس قال الإسلام يغلو ولا يغلى عليه. Que l'islam domine, ne se fait pas dominer. L'islam domine, ne se fait pas dominer. Cela, en toutes circonstances. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas à te rabaisser devant les mécréants, à couper les chines devant eux. Tu te rabaisses devant eux. Tu n'as pas à le faire pour obtenir leur agrément. Abadan. Ça n'existe pas en religion. Wadia fait hadith à Aïcha, qu'elle a dit que celui qui provoque la colère d'Allah pour obtenir l'agrément des gens, il subit la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui provoque la colère des gens pour avoir l'agrément d'Allah aura l'agrément d'Allah. Il ma'ana. Et donc nous, notre but c'est quoi? Avoir l'agrément de qui? Les gens ne pourront rien faire pour toi. Hein? Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la haine يدرك بشيء لن يدرك إلى بشيء قد كتب الله عليك ونجتمعوا على أن ينفعك بشيء ينفعك بشيء إلى بما كتب الله لك. Que même si toute la communauté se réunit pour te nuire en quoi que ce soit, ils ne pourront te nuire parce que Allah a déjà écrit contre toi. Le qadar. Et que si jamais ils se réunissent pour te faire un bien, ils ne te feront que ce que Allah a déjà destiné pour toi. رفعت الأقلام ورفعت الصحف. Que les plumes ont été levées et que l'encre a séché. Personne ne pourra interpréter que ce que Allah a décrété pour toi. Donc, autant aller de l'avant. Quand même, autant aller de l'avant. Ça n'a rien de commencer à faire des concessions. C'est quoi le but des koufars? Que tu m'écrois. Ils aimeraient que vous me croyez comme ils ont mécru, afin que vous soyez égaux. C'est ça qu'ils veulent. Que tu sois comme eux. Et nous, le but, c'est quoi? Ne pas être comme eux. De mourir en islam. Et ça, le but. De mourir en islam. Et de les appeler à l'islam eux aussi. On les appelle à l'islam comment? De façon légiférée. Vous voyez? On les appelle à l'islam de façon légiférée. On leur parle de la meilleure des façons. On ne les insulte pas forcément. Ni on ne les offense. Ni on ne les... En agissant vers eux. On ne laisse leurs droits. Sans pour autant dépasser les limites. Et malheureusement, nous sommes éprouvés par des gens, cette communauté, qui eux veulent en faire plus que ce que leur a demandé,